Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes peines, elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Hélène, je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les autres. Hélène, si mes nuits sont pleines de rêves, de poèmes, je n'ai rien d'autre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Et même si j'ai ma photo dans tous les journaux chaque semaine, je suis une...